2024 marque le 30e anniversaire du Grand Prix de Saint-Marin, qui vit le décès de Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger, ainsi que le 10e anniversaire de l'accident tragique qui a coûté la vie à Jules Bianchi lors du Grand Prix du Japon en 2014. C'est une période où les souvenirs douloureux refont surface, notamment avec la rentrée de septembre, qui ne peut passer sans que l'on se remémore de la tragédie de Spa-Francorchamps en 2019, où Antoine Hubert a perdu la vie lors du Grand Prix de Belgique en Formule 2. Alors si une émission consacrée à Imola 94 sera diffusée dans les prochaines semaines, slash mois, slash années, slash décennies sur cette chaîne, j'aimerais aussi profiter de cette période de commémoration pour rappeler une tragédie qui est la plus grande de l'histoire de la Formule 1. Une tragédie trop souvent oubliée et à laquelle nous allons aujourd'hui faire mémoire. Lors du Grand Prix d'Italie 1961, Monza a cessé d'être le temple de la vitesse, arène où des tifosi passionnés venaient vivre un week-end de célébration pour devenir le théâtre du plus grand drame de l'histoire de la Formule 1. La saison 1961 voyait la disparition des moteurs 2,5 litres et introduisait les moteurs 1,5 litres. La motivation principale derrière cette nouvelle réglementation était de limiter les performances des voitures pour des raisons de sécurité. Parce que si aujourd'hui Charles Leclerc peut aborder le 130R à Suzuka en pilotant d'une main, l'autre tenant son rétroviseur, dans les années 50, les Formule 1 commençaient tout juste à atteindre des pointes de 300 km/h, alors inutile de préciser les enjeux sécuritaires pour une mini-fusée en aluminium roulant dans des routes de campagne à peine adaptées. Un autre objectif de cette réglementation était de redistribuer les cartes et de limiter les coûts. Ferrari, avec un V6 de 190 chevaux, compact et puissant, prit rapidement l'ascendant, ne laissant échapper des victoires qu'à Stirling Moss dans une Lotus Climax, qui souffrait d'environ 50 chevaux de moins en moyenne, mais qui bénéficiait du coup d'avoir un châssis plus léger, ce qui lui a permis notamment de gagner sur des tracés où la légèreté et la maniabilité de la voiture étaient plus importantes. Mais la domination de Ferrari était incarnée par deux pilotes, l'américain Phil Hill et l'allemand Wolfgang von Trips, tous deux au volant de leur célèbre Ferrari 156, surnommé Shark Nose, en raison des aérations à l'avant qui ressemblaient à un nez de requin. Wolfgang Alexander Albert Eduard Maximilian Rushreive Berger von Trips, que nous appellerons Kevin pour des raisons évidentes, était, comme vous l'avez deviné, l'héritier d'une famille noble allemande, ce qui lui avait valu le surnom de Comte Volant. Il serait cependant injuste de dire qu'il avait eu une vie facile. Alors, pour des raisons qui m'échappent totalement, en gros, après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, et particulièrement les nobles, avaient été chassés. Et les terres de la famille Van Tripp avaient été prises par des Écossais, ce qui, au passage, lui avait permis d'apprendre l'anglais. Ce qui aussi lui avait valu, justement, d'être surnommé Taffy par les autres pilotes anglais, parce que, je sais pas, pour l'intégrer, parce qu'apparemment, Taffy est un surnom beaucoup donné aux Gallois. Et il n'était pas du tout gallois. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Vous êtes pas gaulois ? Ouais, je me suis gouré. Qui plus est, la famille de Wolfgang Amadeus, la famille de Kevin s'était montrée très hostile lorsqu'il avait commencé sa carrière en sport automobile. Les origines aristocratiques et l'élégance naturelle de Van Trips, cependant, plaisaient énormément à Enzo Ferrari qui voyait en lui l'incarnation parfaite de ses ambitions de faire de sa marque un constructeur de luxe. Mais la classe de Van Trips ne faisait pas tout. Sur la piste, il se distinguait par sa prudence, sa technique irréprochable et le respect que lui témoignaient ses pairs. Cette approche mesurée lui avait valu une certaine réputation de pilote calculateur, plus soucieux de finir la course que de tout risquer pour la victoire. Van Trips était un homme humble et réservé qui ne cherchait pas la gloire, mais la perfection. Pour citer un célèbre concurrent de Ferrari, Deutsche Qualität. À l'opposé du stoïque Van Trips, Phil Hill incarnait une autre facette de la Formule 1, celle d'un homme sensible, introspectif et rêveur. Contrairement à d'autres pilotes qui se croyaient invincibles, Hill n'hésitait pas à exprimer ses doutes et ses peurs. Cette humanité lui avait valu une immense sympathie de la part du public, mais aussi une certaine incompréhension dans un milieu où la force mentale était souvent considérée comme primordiale. Il était inconcevable, à l'époque, de voir un pilote aussi angoissé à l'idée de se blesser. Né en 1927 à Miami, Phil Hill était le parfait représentant du rêve américain. Un homme qui, parti de rien, avait réussi à se hisser au sommet du sport automobile mondial. Son chemin vers la gloire n'avait pas été simple. Phil Hill était lui aussi un perfectionniste, mais contrairement à Van Trips, il était également passionné de mécanique, passant autant de temps à peaufiner ses réglages dans ses voitures qu'à les piloter. Il avait ce talent pour tirer le maximum de sa machine sans jamais la brusquer, ce qui lui avait valu de nombreux succès en endurance avec Ferrari. Cependant, Monsieur Ferrari n'aimait guère l'idée de voir ses pilotes mettre les mains dans le cambouis, estimant que ce travail devait revenir uniquement à des mécaniciens. Hill et Van Trips étaient très différents, mais entre ces deux hommes profondément talentueux et bons, le respect était réciproque et immense. Le championnat 1961 débutait à Monaco. Stirling Moss gagna l'une des plus belles courses de sa carrière en résistant aux trois Ferrari de Hill, Van Trips et de l'autre américain Richie Ginter. Ce dernier compléta le podium tandis que Van Trips, alors en 4ème position, se crasha au 98ème des 100 tours. Mais l'Allemand domina les 75 tours du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, mais Hill ne lui laissa aucune marge d'erreur, terminant seulement 9 dixièmes de seconde derrière lui. En Belgique, ce fut Hill qui mena un doublé Ferrari depuis la pole, au terme d'une lutte épique où Van Trips prit 5 fois la tête de la course, avant de terminer 7 dixièmes de seconde derrière l'Américain. Richie Ginter compléta le podium, tandis qu'une quatrième Ferrari, pilotée par le Belge Olivier Jean Debien, termina au pied du podium. La lutte se poursuivit à Reims, où Hill décrocha une nouvelle pole position, et après avoir pris la tête de la course, Van Trips dut abandonner au 17ème tour. Hill limita au 38ème, laissant un autre pilote Ferrari Giancarlo Baghetti remporter sa seule victoire en Formule 1. À Aintree pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, Hill prit une nouvelle fois la pole position, mais sous le crachin britannique, il perdit le duel en début de course et termina 46 secondes derrière son coéquipier Wolfgang Van Trips, qui remporta une nouvelle victoire dominante, tandis que Ginter se classa 3ème. À cette approche de la mi-saison, Van Trips et Hill étaient naturellement les deux favoris pour le titre, après les nombreuses luttes fantastiques que nous avions évoquées. Hill enchaînait les pole positions, mais Van Trips avait les victoires les plus dominantes entre les deux. Ce fut une déception pour lui de ne pas parvenir à prendre la pole position ni à s'imposer à domicile. Stirling Moss domina les 15 tours sur la Nordschleife, tandis que Hill, parti de la pole position, se fit dépasser par son coéquipier dans les 20 derniers kilomètres, terminant derrière lui. Le Grand Prix d'Italie du 10 septembre pouvait couronner Van Trips, qui décrocha sa seule pole position en Formule 1, interrompant ainsi la série de 5 poles consécutives de son coéquipier. Ce dernier, qualifié 4ème, devait impérativement gagner pour espérer remporter le titre, mais quelque chose n'allait pas pour l'Américain, pour qui ce week-end tournait au cauchemar. Avant le début des essais, Hill avait constaté que sa boîte de vitesse était mal montée. Elle avait du mal à passer certains rapports et la rétrogradation, ainsi que la marche arrière, ne fonctionnait pas correctement. Il fallut que le mécanicien responsable de la boîte monte lui-même dans la voiture pour que l'on prenne les plaintes de Phil Hill au sérieux. Au terme des essais, le pilote réalisa qu'il perdait une seconde complète sur ce circuit de pure vitesse. Le nerveux floridien ne put s'empêcher de penser à une intervention divine de Enzo Ferrari, qui ne venait jamais sur les Grands Prix, excepté à Monza. Il était évident que Van Trips était le favori du public et du commendatore. Et Hill n'était pas prêt de s'attirer les faveurs du patron après avoir remis en question sa boîte de vitesse au début du week-end et à présent son moteur. « Peut-être que ton pied droit n'est plus aussi fort que jadis !» lui lança Monsieur Ferrari pour le charrier. Heureusement, l'équipe sportive lui portait une grande affection et Romolo Tavoni, directeur de l'équipe, accepta de changer son moteur pour la course, ce qui permit de découvrir qu'un ressort de soupape était cassé. Van Trips n'avait qu'à terminer devant Hill pour être sacré champion du monde. Grâce à ses deux victoires et sa constance, Stirling Moss était aussi candidat au titre au volant d'une Lotus. Cependant, il devait impérativement gagner les deux manches restantes pour devenir champion. Von Trips était calme comme à son habitude, tandis que Hill était plus angoissé que jamais. Une cinquième Ferrari fut engagée pour cette course à domicile, pilotée par le très jeune Mexicain Ricardo Rodriguez. Petite précision également sur le tracé de Monza. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Monza, il y a un ovale. Il n'est plus utilisé depuis justement la saison 1961, cette année représentant la dernière fois où il a été utilisé. Alors, on a eu des saisons où on courait sur le tracé normal et des saisons où on courait sur l'ovale. Mais on a aussi eu des saisons, 1955, 1956 et 1960 et 61, où le circuit combina les deux. Le circuit commençait sur la ligne droite principale qu'on connaît tous et le tracé partait immédiatement vers la droite dans l'ovale. Une fois sorti de l'ovale, nous revenions dans la ligne droite principale mais nous sortions du côté gauche de la piste où la ligne droite était séparée par des bottes de paille et permettait de faire un tour complet sur le tracé habituel de Monza, rallongeant ainsi le circuit mais surtout favorisant les vitesses de pointe des Ferrari. En 1960, d'ailleurs, le tracé avait été boycotté par nombre d'équipes anglaises, jugeant que ce tracé favorisait étrangement les Ferrari, mais aussi trouvant que ce tracé était beaucoup trop dangereux, notamment avec un ovale qui n'avait pas une surface suffisamment plate pour être considéré suffisamment sûr pour les voitures, mais aussi avec des vitesses atteintes qui étaient beaucoup trop élevées pour l'époque. Les organisateurs italiens firent un semblant de concession en raccourcissant l'épreuve qui devait durer 500 km en la réduisant de quelques tours pour la faire durer 430 km, soit 20 minutes de moins en gros. Mais il n'empêche que les Anglais étaient réticents, pas contents, mais cette fois-ci ils voulaient participer et qui plus est pour Stirling Moss il y avait un titre en jeu. Au début de l'épreuve, les Anglais équipés de moteurs Climax étaient avantagés, ayant des rapports plus courts, ce qui leur permit de devancer les Ferrari, avec Richie Ginter qui prit la tête de la course, juste devant la Lotus Climax de Jim Clark. Mais à la fin du premier tour, pour la première fois de la saison, c'est Phil Hill qui prit la tête de la course, grâce à un moteur parfaitement opérationnel. Von Trips avait effectué une très mauvaise opération et avait disparu des rétroviseurs du leader, passant derrière Richie Ginter, Ricardo Rodriguez, Jim Clark et Jack Brabham. Au troisième passage, il aperçut des débris en bord de piste, mais il était trop concentré sur sa lutte face à l'autre Ferrari de Richie Ginter pour s'y attarder. Ginter finit par abandonner au 23ème tour et Phil Hill remporta la course, devenant ainsi champion du monde et le premier champion du monde américain en terre italienne. Il brandit les poings en l'air, hurlant de joie. Cependant, en retournant au stand, il remarqua une atmosphère étrange et des visages abattus chez Ferrari. Mais peu lui importe, il avait réalisé son rêve et défié l'improbable. Mais en sortant de la voiture, on vint rapidement lui murmurer à l'oreille. Von Trips était mort. Ces quelques instants de bonheur furent réduits au néant en un instant. À l'approche de la parabolique, au deuxième tour, Wolfgang Von Trips s'était accroché avec la Lotus de Jim Clark. Après avoir dépassé Clark par l'extérieur, là où aujourd'hui il y a la chicane Ascari et où jadis ce n'était qu'un simple virage, Von Trips s'était rabattu sur la Lotus de Clark, n'ayant probablement pas remarqué que le dépassement sur la Lotus n'était pas terminé. Ainsi, sa Ferrari avait été brutalement expédiée hors de la piste, se dirigeant droit vers les spectateurs massés le long du circuit. La voiture s'envola, fauchant tout sur son passage et tuant 14 spectateurs et le pilote allemand qui fut projeté hors de sa voiture. Les images de cet accident existent, on peut les regarder, elles sont très faciles à trouver sur YouTube. J'en ai mis d'ailleurs quelques inserts, mais pour des raisons évidentes, je ne vais pas montrer l'intégralité de l'accident. Mais j'ai pu voler quelques extraits de la chaîne Crash Simulation qui a reproduit une simulation de cet accident. Ça me semble tout de même bien plus approprié de montrer ces images, même si, bon, l'accident date d'il y a plus de 60 ans et que il y a toujours un équilibre difficile à trouver entre le devoir de mémoire et un semblant de respect ou simplement une volonté de ne pas choquer les plus fragiles d'entre vous. Voilà, je préfère vous épargner ces images et vous inviter, pour ceux qui veulent les voir, à rechercher par vous-même ces images. Il y aura naturellement les liens dans la description de toutes les sources utilisées de cette vidéo. Pour les répercussions de cet accident, Jim Clark porta lourdement la responsabilité de ce massacre. Le jeune Écossais défendra fermement n'avoir été finalement que passager dans cet accident où, comme on peut l'apercevoir sur les images et le comprendre de son témoignage, Van Trips n'a fait que se rabattre, estimant, selon ses mots, « ayant une voiture bien plus rapide, Taffy a dû se dire qu'il avait déjà conclu son dépassement sur moi et n'a pas pris la peine de vérifier si j'étais encore là ». Wolfgang Van Trips était naturellement le champion prédestiné de cette saison 1961. J'ai parlé maintes et maintes fois du charisme qu'il avait, également du respect qu'il inspirait, et également de cette conscience professionnelle en piste, toujours très respectueux, comme l'étaient de nombreux pilotes, mais Van Trips n'a jamais causé d'accident, alors que de son côté, Jim Clark était un débutant, un quasi inconnu. Les plus spécialistes le connaissaient comme un jeune pilote rapide, mais qui ne faisait que débuter en Formule 1, et naturellement, c'était très facile de lui porter le blâme, surtout vis-à-vis des autorités italiennes. On avait un Anglais, enfin, c'était un Écossais, mais bon, c'était un Anglais, quoi, qui déboulait sur leur terre et qui tuait un pilote Ferrari, des spectateurs, et qui publiait derrière la presse anglaise, n'a rien fait pour arranger les affaires. Et pour dire à quel point ça va lui peser, en 1962, il sera invité à donner à faire une déposition auprès des autorités italiennes. Et lorsqu'il va remporter son titre, son premier titre et le premier de Lotus ici à nouveau en 1963, les autorités italiennes vont de nouveau venir le chercher en pleine célébration pour à nouveau lui demander de témoigner sur cet accident. Et pour ne rien arranger un certain narratif autour de Lotus, Jochen Rindt, un autre pilote, cette fois-ci d'origine autrichienne, mais qui portait Wolfgang Van Trips en très haute estime, c'était un des pilotes qui lui avait fait aimer le sport automobile, se tua à la parabolique dans une Lotus lors des essais et devint champion du monde à titre posthume cette même année. Pour se préserver des autorités italiennes, Lotus viendra même en 1971 en tant que Worldwide Racing et pas en tant que Team Lotus comme habituellement, justement pour se préserver aux yeux de la justice italienne. Et ce n'est pas fini, puisque en 1978, Ronnie Peterson sera victime du célèbre crash dont j'ai parlé maintes et maintes fois sur cette chaîne, qui tua Ronnie Peterson au volant d'une des Lotus, et où Mario Andretti, qui deviendra le second pilote américain à devenir champion du monde dans une Lotus, sera du coup couronné champion du monde après la mort de son coéquipier. C'est juste pour créer du narratif. C'est juste pour vous apporter ces éléments, pour ceux qui aiment avoir un petit peu... Enfin, bon, voilà, je dis pas qu'il y a de quoi raconter de jolies histoires, c'est très morbide, mais voilà tous les éléments qui existent. On va pas en faire un narratif, mais voilà, je vous les présente. Mais bon, on peut aussi dire que Phil Hill demeure le seul vrai champion américain, puisque Mario Andretti est né en Italie. Il est de nationalité américaine, mais c'est pas un vrai américain. Donc voilà, tu peux casser le narratif. Bref, pour revenir à Phil Hill, on entend souvent dire qu'il est l'un des champions du monde les moins méritants de l'histoire, certains allant même jusqu'à dire qu'il est le plus mauvais des champions du monde de l'histoire. Rien ne pourrait être plus faux, cependant. C'est difficile de classer les champions du monde. Autant classer le meilleur, j'ai bien envie de m'y amuser, mais classer le pire, c'est difficile, parce que je trouve que tous ont une grande part de mérite. Surtout... Comme on l'a vu dans ce résumé très condensé, Phil Hill a mené une campagne sublime en 1961, et ce face au talent exceptionnel de Wolfgang Van Trips, un prodige dont la carrière a été brutalement interrompue. Et je me permettrai d'ajouter également que Wolfgang Van Trips est un pilote qui avait un talent formidable, mais qui a peut-être été victime du diabète. C'était très peu connu à l'époque, parce que voilà, on n'allait pas en parler, mais il souffrait d'un diabète, alors je ne sais pas exactement, diabète type 1, diabète type 2, mais pendant les courses, il avait des friandises, il courait parfois avec des fruits un petit peu sucrés pour justement contrôler un petit peu son taux de sucre pendant les Grands Prix, justement. On sait qu'il pouvait parfois être victime de malaise, de choses comme ça, donc peut-être... qu'il a été victime, mais là c'est juste moi qui sors ça comme ça, qui théorise là-dessus. Peut-être que il a eu un moment où il a fait un de ses, je connais pas bien les mots, mais voilà, il y a un manque un manque de sucre, tout simplement, et qui lui a fait perdre un petit peu de concentration et qui lui a fait oublier que Jim Clark était à côté de lui. Bref, tout ça pour dire que, pour en revenir à Phil Hill, on peut trouver paradoxal de voir un pilote comme lui, qui était connu pour sa prudence et son souci constant des risques, être couronné champion du monde à cause de l'accident tragique qui coûta la vie à son rival principal, qui était pourtant lui-même connu pour être très prudent en piste. C'est également paradoxal de constater que c'est ce même Phil Hill qui agaçait souvent Ferrari par sa passion pour la mécanique et ses critiques acerbes sur le moteur de la Ferrari avant le début du week-end, a été le seul des quatre pilotes Ferrari à terminer la course. Alors, on va naturellement enlever Van Trips qui n'a pas terminé la course pour des raisons tragiques, mais on va se demander alors pourquoi Rodriguez, Ginter et Baghetti ont dû abandonner. Je vous laisse 3 secondes pour deviner. Défaillance moteur. Faites ce que vous voulez de cette information. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le moteur ce week-end et Phil Hill a été le seul à le voir, ou alors est-ce que c'est simplement ce circuit très exigeant, comme on l'a évoqué, hein, on est à fond. Il y avait 2 freinages, c'est-à-dire que pendant 2 minutes 30 en moyenne le tour, on ne freinait que 2 fois sur le tracé à peu près, les autres fois on faisait que lever le pied. Naturellement, ça demandait beaucoup du moteur, mais Phil Hill a été le seul des pilotes Ferrari à terminer la course. Comme le disait Stirling Moss, à l'époque, ce sport automobile, c'était un jeu de roulette russe. Si Hill n'avait pas insisté pour changer son moteur, peut-être c'est lui qui aurait été pris dans cet incident fatal au départ. Et peut-être que dans cette anachronie, c'est Wolfgang Von Trips qui n'aurait pas pu célébrer avec autant de joie un titre mondial dûment gagné après une lutte acharnée et magnifique entre 2 des meilleurs pilotes de leur génération.